Absolument, moins 15% sur la multirisque pro chez MMA. Ça concerne beaucoup de professionnels, ça? Les artisans et commerçants. Avec l'assurance multirisque pro MMA, ils bénéficient d'un contrat unique pour tous leurs besoins. Et jusqu'au 29 octobre 2016, MMA peut leur offrir moins 15% sur leur première année de cotisation. Bon ben, envoyez la pub. MMA. Offre soumise à condition, contactez votre agent MMA. France Inter, il est 17h. On vous écoute pour les infos, Laetitia Gaillet. La lettre qui a surpris tout le monde aujourd'hui, notamment les 9000 salariés d'Alstom à qui elle était adressée, celle du patron d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, qui a expliqué la décision de fermer le site de Belfort d'ici 2018. Comment faut-il la comprendre alors que l'exécutif a repris les choses en main et que Manuel Valls a encore redit aujourd'hui qu'il était hors de question de fermer l'usine de Belfort? On voit bien dans ce courrier et toutes ces déclarations que l'atmosphère est loin d'être apaisée entre Alstom et le gouvernement, Isabelle Raymond. Dans cette lettre, Henri Poupart-Lafarge explique qu'il apparaît impossible d'assurer un avenir pérenne au site de Belfort. Le patron d'Alstom ajoute que le groupe avait alerté les pouvoirs publics de la situation il y a plusieurs mois déjà. Comprenez, ce n'est pas une annonce brutale et inattendue comme le dénoncent les politiques. Le gouvernement montre les muscles depuis le début de la semaine. François Hollande disait hier « Ce que j'ai fait pour Alstom à l'étranger, Alstom doit le faire pour la France ». Hors de question que le site de Belfort ferme, ajoute ce matin le Premier ministre Manuel Valls, ce à quoi le patron d'Alstom rétorque donc dans cette lettre que sa décision est irrévocable. Sauf que le groupe se défend de répondre directement au gouvernement. La lettre a été écrite ce week-end, explique-t-il. Il n'est parti que ce matin pour des raisons internes, selon la version officielle. Par erreur, même selon des sources syndicales. Erreur de manipulation ou pas, cela ne change rien sur le fond. Selon le syndicat majoritaire sur le site, la CFE-CGC, pour laquelle il s'agit évidemment d'une réponse du berger à la bergère. Une façon de montrer que le groupe n'a pas l'intention de céder à la pression du gouvernement. Et cet après-midi, les choses semblent avoir bougé. Les élus de la région ont rencontré le patron d'Alstom. Ils viennent juste de sortir. Henri Poupart-Lafarge nous a dit qu'il y avait des marges de manœuvre, a expliqué Damien Meslot, le député maire de Belfort. On voit que les choses bougent. Nous avons de l'espoir, mais rien n'est joué, dit-il. Une autre série de rendez-vous a eu lieu également cet après-midi. Les syndicats étaient avec Christophe Sirugue. À la sortie, le secrétaire d'État à l'industrie a déclaré que l'État se donnait 10 jours pour apporter des réponses aux salariés de Belfort. On attend maintenant de voir également ce qu'a donné l'AG des salariés de Belfort. Vous verrez tout cela dans le journal de 18h tout à l'heure. Trois hommes porteurs de papiers syriens ont été interpellés aujourd'hui en Allemagne dans des foyers de demandeurs d'asile. Ils étaient arrivés en Allemagne par la même filière que les auteurs des attentats de Paris et de Saint-Denis en novembre. Leurs papiers ont été confectionnés dans le même atelier, selon le ministre de l'Intérieur allemand Thomas de Maizière. On ne sait pas s'ils préparaient une action. Il pourrait s'agir d'une cellule dormante. Sur le terrain en Syrie, la trêve tient malgré quelques incidents, mais l'ONU n'a toujours pas lancé d'opération humanitaire. Les Nations Unies demandent des garanties de sécurité pour les convois. Les premières distributions d'aide alimentaire seront pour l'est d'Alep. 250 à 275 000 personnes vivent dans les quartiers rebelles et elles n'ont pas reçu l'aide de l'ONU depuis le mois de juillet dernier. En France, un mort et quatre blessés graves sur le plus gros paquebot du monde. Ça s'est passé à Marseille. Un canot de sauvetage a fait une chute de 10 mètres lors d'un exercice sur le Harmonies of the Sea. Les victimes sont des membres du personnel et l'accident a eu lieu à quai. Les explications de Julien Arroas, c'est l'adjoint au maire Les Républicains en charge des marins-pompiers. Aux alentours de midi, les marins-pompiers de Marseille ont été appelés pour un accident dans le grand port maritime. Donc, il s'agissait en fait d'une embarcation annexe type bateau de sauvetage qui s'était visiblement décroché, qui a fait une chute d'une dizaine de mètres avec cinq membres d'équipage à bord qui vraisemblablement participaient à un exercice. La chute, a priori, a été violente et à leur arrivée sur les lieux, les marins-pompiers ont dû déclarer l'un des membres d'équipage décédé. Il s'agit en fait d'un Philippin de 42 ans. Pour les quatre autres personnes qui sont donc blessées, nous avons deux blessés en urgence absolue, c'est grave donc, et deux blessés plus légers. Alors, c'est vrai que les exercices d'évacuation d'un bateau font partie de ce qui doit être fait à bord de façon régulière. Tout type d'accident est quand même pas régulier. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur humaine? Est-ce qu'il s'agit d'un accident? Est-ce qu'il y a une pièce qui a été défaillante? C'est l'enquête finalement qui nous dira qu'est-ce qui s'est réellement passé sur l'harmonie aussi. Des propos recueillis par Tony Cellier. Jamais François Hollande ne lui a demandé s'il avait un compte à l'étranger, donc je n'ai pas menti les yeux dans les yeux à François Hollande. Les explications de Jérôme Cahuzac cet après-midi à son procès pour fraude fiscale et blanchiment au tribunal correctionnel de Paris. La question que le chef de l'État lui a posée quand l'affaire est sortie sur Mediapart, c'est « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et j'ai répondu « c'est rien, c'est des conneries ». Le procès doit s'achever à la fin de la semaine. 17h05 sur France Inter, on va aller à la Bourse de Paris, trouver Jean-Yves Courciel. Jean-Yves Courciel, c'est une fin de journée dans le rouge. Et oui, Laetitia, à 30 minutes de la fin des échanges, le CAC 47, 0,61% à 4413 points. Le marché qui faisait preuve de beaucoup de prudence a basculé dans le rouge, dans le sillage du repli des places américaines au lendemain de leur forte hausse. Le Dow Jones recule ainsi d'1,13% et le Nasdaq moins 1,02%. Du côté des devises, l'euro s'échange contre 1,1244 $ et le prix du baril de pétrole est toujours en forte baisse à Londres où il coûte 47,38 $. Du coup, les valeurs du secteur sont dans le bas du palmarès. À l'image du géant de la côte parisienne Total qui abandonne 2,37%, un repli qui pèse lourdement sur la tendance. Sinon, parmi les rares titres qui se distinguent, Air Liquide bondit de 5,48% après le lancement de son augmentation de capital de 3,3 milliards d'euros, une augmentation de capital destinée à financer l'acquisition de l'américain Airgas. Je vous rappelle le CAC 40, il recule de 0,56%, il est à 4414 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Le vendredi soir sur France Inter, j'entends les gens qui s'installent à partir de 21h. Ça s'appelle Full Sentimental. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Cette semaine, deux artistes en live pour un nouveau bain de foule sentimentale. Cocoon, le groupe français de Marc Domail, qui fêtera avec nous la sortie de son troisième album, gorgé de chansons folk lumineuses. Et Juliette Armanet, qui avec son premier EP Cavalier Seul, nous offre sa vision de l'amour sous l'arc divin de Scheller et Sanson. Pour assister à l'enregistrement de l'émission ce mercredi, réservez dès maintenant vos places sur maisondelaradio.fr. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 € par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. MMA Business Entreprise, exclusif. Avec la multirisque professionnelle, machine cassée, machine remboursée, au prix du neuf sans vétusté. MMA. Dans les conditions et limites du contrat. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Nobody, théâtre et performance filmique de Cyril Test, d'après les textes de Volk Richter. Du 21 septembre au 8 octobre au Montfort Théâtre. Immergé dans un dispositif cinématographique en temps réel et à vue, le collectif MXM élabore un scénario inédit sur les dérives managériales et la déshumanisation au travail. Retrouvez Nobody dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Nobody au Montfort Théâtre, un spectacle France Inter. Si tu écoutes, j'annule tout cet après-midi. Les Charguilex reçoivent les Gary Bertz. Effectivement, la contraction des noms de nos invités. Bien joué, Laetitia Gaillet, à vous toute seule. À vous toute seule, vous portez l'information juste avant nous. C'est beau, c'est magnifique. On apportera quelques précisions toutefois. Oui, à 7h17. Vers presque 17h17, exactement. Vous connaissez tout. Merci, Laetitia Gaillet. À demain. À demain. Allez, voilà comment nous avons préparé ce matin cette émission lors de la traditionnelle conférence de rédaction. Bonjour les amis. Salut Charline. Je ne suis pas contente du tout. C'est pas moi. Tu sais pas encore ce que je vais dire. Je sais déjà que c'est pas moi. Mais pourquoi t'es pas contente? Bon alors, qui a mis un sgeg sur la page Facebook de l'émission? C'est pas moi. C'est quoi un sgeg? C'est une teub. Ah, mais c'est quoi une teub? Un sexe d'homme. Ah, bah ça je connais. Oui, bah ça ne me dit pas qui a mis ça sur la page Facebook. C'est pas moi. Non, mais en fait, je sais, Charline, c'est une photo de moi. Pas toi, Guillaume. Mais non, c'est une photo de moi et du nudiste que j'interrogeais à la fête de l'humain. Ah oui, bah alors c'est malin parce que résultat, Facebook l'a coupé. Ouf, ça doit faire mal. Facebook a coupé notre page pour indécence. Ils s'exagèrent, les gars, parce qu'il y a des gens qui postent des chroniques d'Éric Zemmour. Ah oui, ça c'est beaucoup plus indécent. D'ailleurs, si on voyait son sgeg à Zemmour, je pense que sa crédibilité en apprendra un petit coup. On n'a qu'à faire ça comme sujet. Le sgeg de Zemmour ? Non. Mais non, la politique de Facebook. Ah, oui. Bien sûr. Il refuse un cliché historique avec un enfant recouvert de napalm sous prétexte que ça ferait pédophile et qui accepte les photos en bikini de la stagiaire de 3e. Ah bon ? C'est quoi son nom ? Je t'interdis. Pardon, mais tu vois, tu censures encore plus que Facebook. Silence ! Sinon, on remet la photo en floutant. Oui. Et on relance la page. Voilà, parce qu'il faut que nos 56 692 amis la voient. Et d'ailleurs, qui avait posté la photo la première fois ? C'est pas moi. Peu importe, on remet le zob de Guillaume. Non, mais c'est pas le mien, de zob. On s'en fiche, allez, papa, au boulot. Mais c'est quoi un zob ? Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui lance des fléchettes sur l'actualité et voici les trois informations qui vont tomber pile à côté jusqu'à 18h. À Bercy, Montebourg et Macron se disaient bien qu'ils avaient dû voir passer des dossiers avec une étiquette Alstom collée dessus. Mais personne ne les a lus, alors les licenciements, personne ne les a anticipés. Résultat pour 400 personnes. Fini la petite auto, fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. Facebook a censuré la photo de la petite fille au napalm car son algorithme l'a classée dans les photos à caractère pédopornographique. Le réseau a ensuite rétabli la photo, mais alors qui est le grand modérateur des actualités Facebook ? À poil le bébé, à poil la babysitter, à poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie, à poil le chien. Donc le Dalai Lama poursuit sa visite en France, il ne rencontrera aucun haut représentant de l'État, juste une poignée de parlementaires et il a vu Macron hier. Macron qui en a tiré un grand enseignement pour l'avenir. Ok, on vide son sternum et on ouvre bien grand les chakras. Ah pardon, il a vu Manoukian, je me suis gourée. Je suis accompagnée de celui qui, pour qui un jour sans brève est plus long que 7 ans au Tibet, c'est Alex Vizorel. Et oui, je vous en annonce de la toute bonne. Autour de la table, attention mesdames, cachez-vous, il y a du gros séducteur, 17h20. Celui que vous pouvez entendre ici sans qu'il ne passe en crypté à la moitié de l'émission. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. De quoi on parle ? On va parler d'un vocal chimiste, André Mainviel. Mais non. Yes. 17h30, oui. Très intéressant ça. Ah bah, vous direz pareil de sa chronique. 17h30, l'homme qui pose plus de questions que les gens n'ont de réponses, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je me suis rendu à un magnifique défilé de dirigeants qui étaient là pour... transmettre la bonne humeur, nous les chefs d'entreprise. Oui, c'est la teuf du patronat. Et à 17h40, c'est l'anti-Christian Clavier. Car lui, il n'a pas toujours l'air drôle dans ses films, mais il est énormément dans la vie. Bonjour Hippolyte Girardot. Oui, bonjour Alex, bonjour. Et de quoi bonjour. On va parler ? Ah, de quoi on va parler ? Ah, on va c'est parler... la question difficile. Non, on va parler des phénomènes. Très bien, ça a l'air intéressant, André. Des phénomènes ? Évidemment. Mais c'est... Voilà, mais c'est... ils se sont trouvés. Allez, nous sommes dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, où nous avons rétabli la page, non, évidemment, la photo, après cette horrible censure. Ouais. Aujourd'hui, nous avons élu deux présidents pour diriger les thèmes de l'émission. Vous formez un duo qui a exercé pendant 15 ans dans les pages médias de Libération. Et quand Patrick Drahi a racheté Libé, vous avez mis les bouts et créé en février dernier un site d'information baptisé Les Jours. On peut donc vous voir sur lesjours.fr. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire... Les Gary Bert, Isabelle Roberts. Et Raphaël Garrigos. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Les Gary Bert, donc, co-fondateur du site d'information Les Jours. On pouvait évidemment beaucoup vous lire dans Libération, donc on met une voix sur les plumes. Et vous publiez aussi, avec Le Seuil, aux éditions Seuil, L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, un sujet qu'on a assez peu abordé dans cette émission. Qui, qui est aussi le récit, un récit très complet, donc on peut dire que c'est sur base de tous les articles qui ont été publiés. Vous publiez des articles sur lesjours.fr de façon feuilletonnante et de façon enquête. Oui, sur lesjours.fr, on travaille par obsession, c'est-à-dire qu'on va prendre des sujets dans l'actualité qu'on va saisir et qu'on ne va plus lâcher. Et donc notre obsession à nous, c'est Vincent Bolloré et la façon dont il a dévoré Canal même. Donc pas lâcher, ça veut dire que vous allez poursuivre bien sûr... L'enquête. Et les suites tous les jours. Voilà, c'est ça. Tant qu'il continuera, on continuera. On n'y est pour rien, en fait. C'est notre meilleur scénariste. Mais c'est vrai, oui, ça se lit comme un feuilleton, d'ailleurs. Et tout est compilé jusqu'à ce jour dans cet ouvrage, donc publié au Seuil par Les Jours, qui sera d'ailleurs le début d'une série, c'est ça, en fonction des obsessions que vous développez sur votre site d'information. Exactement. Il y a une collaboration avec Le Seuil. Oui, c'est l'Empire qui inaugure une collection d'obsessions publiées au Seuil. La prochaine, ce sera Les Revenants, qui est un peu moins drôle que... Et qui concerne ? Qui concerne des djihadistes français de retour en France et qui est écrit par David Thompson. Alors, c'est aussi cet ouvrage sur Vincent Bolloré qui a mangé Canal+, le récit, le portrait en creux, bien sûr, de Vincent Bolloré, le récit d'une saga industrielle, un débat sur la censure, la liberté d'expression, le management brutal, etc. Mais au bout du compte, vous qui avez suivi assidûment et tout scanné, est-ce que c'est dans quel but, où est-ce qu'il va avec Canal, Vincent Bolloré? J'ai une réponse, mais elle n'est pas polie, en fait. Allez-y, pas de censure. Censurez. Vite, allez-y. Ouais, c'est censurez-le. DTC, normalement, mais je... Ça va où? DTC allez-y. Pardon? DTC. Ah, oui. Dans ton cul. Oui. Ça se dit, hein. Disons que c'est le seul endroit où j'ai l'impression que va la stratégie de Vincent Bolloré aujourd'hui. Ah. Et on le voit avec les résultats que donne la grille en clair, enfin en crypté. Et ouais. Puis, en clair. Il y a une chronique musicale qui est quand même pas mal. Hein, oui, la chronique musicale qui est en train de se décomposer, là. C'est notre taupe, il ne faut pas le dire. Oui, c'est notre chroniqueur mystère. Voilà, rappelons qu'André Manoukian est donc officiellement employé de chez Bolloré pour une émission qui a lieu le soir. Utile de la nommer. Au-delà de la blague, on n'arrive pas à savoir ce qu'il veut en faire. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce management brutal? Pourquoi reprendre toutes les grilles? Pourquoi tout ce bordel? Pour en arriver où? On ne voit pas clair. C'est-à-dire... Non, et je suis à pas part sûr faire du fric, je veux dire. Bah, c'est peut-être le seul intérêt, mais pour l'instant, il n'est pas en train d'habiller la mariée s'il s'agit de la vendre un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a Il l'a déjà niqué, faut le dire. Ou qu'on est vulgaire. Alors... Est-ce que ce n'est pas surtout lié au fait que le clerc perdait énormément d'argent? Et comme c'est un capitaliste, voilà, effectivement, il pense au fric. Quoi. Alors effectivement, Leclerc perdait de l'argent, mais pas seulement Leclerc, tout Canal+. Canal+, avait déjà commencé à perdre des abonnés, mais c'est quand Vincent Bolloré a vraiment pris les manettes que ça s'est écroulé. Mais vraiment, les chiffres sont parlants. Et ne serait-ce que d'une manière industrielle, c'est totalement raté. On peut dire que Vincent Bolloré est un homme d'affaires et pas forcément le plus idiot des hommes d'affaires. Mmh. Mon Dieu, c'est moi qui ai dit ça. Mais là, c'est complètement raté. Quoi. Alors, pour terminer dans le fond, après tant d'encre qui a coulé, tant de débats, etc., bon, qu'est-ce qu'on a perdu d'essentiel en perdant le canal historique? Le zapping. Et c'est déjà énorme. Ouais. Pourquoi? Parce que, effectivement, peut-être que cet esprit canal dont tout le monde se fait des gorges chaudes a peut-être jamais existé. Enfin, moi, je suis peut-être certainement beaucoup trop jeune pour l'avoir connu. Mais qu'est-ce qu'on a perdu? Oui, ce qu'on a perdu, c'est le zapping et c'est l'investigation. Ouais. Les guignols, c'est pas encore un peu à l'antenne? Oui, mais bon. Mais le zapping, oui, c'était important. Enfin, ça s'inscrivait dans quoi? Une forme de... Bah, de critique des médias à la télévision, ce qui était inédit et qui était quand même une espèce d'éditorial audiovisuel quotidien et qui était quand même formidable. Avec cette prouesse de ne pas avoir de commentaires voix, mais chaque du image montage. Portait un commentaire par le montage. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce feuilleton qui est plein de rebondissements et d'enseignements sur le management à la brutale, je vais le relire d'ailleurs parce que pour cette équipe-là, il y a deux, trois clés. À base de Ben qui vous attend dans le bas pour récupérer les dossiers, tout ça. Ça s'appelle l'Empire. Comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, c'est publié au Seuil avec lesjours.fr, qui est le site d'information fondé par Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts. On vous le recommande chaudement pour toutes ses obsessions. Like me, pretty woman, stop all. cause I need you, and I'll treat you right. Come to me, baby, be mine tonight. Charlene Van Manacker. Je disais qu'on allait faire comme les Gary Bertz, on devait faire un journal à deux voix en rapprochant les micros parce que j'ai oublié ma version. Chose qui arrive. Voilà. Hein, c'est le jour où on a des grands professionnels devant soi qu'on fait des conneries. Vous êtes sur France Inter. Et on continuera à dire du mal de Canal parce qu'on travaille sérieusement ici. Hein, ça, je peux vous dire sur un coin de table. Vous pouvez voir le ridicule de la situation sur franceinter.fr en streaming et en direct. On est avec Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos. On a parlé de Bolloré. Voilà, on va parler d'information maintenant, voilà, hein, ce qui est temps de se désinformer. Vous allez entendre plein la gueule. Si on veut pas d'ennui, vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus caricaturiste que d'une campagne électorale. Et on commence par les titres. François Fillon était hier en campagne à Bruxelles. Oui, d'accord, on vous a envoyé Salah Abdeslam, mais vraiment, c'était pas la peine de nous renvoyer François Fillon. Il y aura aussi Jean-François Copé et le Dalaï Lama. Oui, deux leaders spirituels brimés à leur manière. Le Dalaï Lama sera dans l'interview dont on est certain que vous ne l'entendrez pas ailleurs. Oui, et Jean-François Copé ne sera pas dans les brèves. Et on commence par François Fillon qui était hier à Bruxelles pour rendre visite à, je le cite, hein, « ceux qui sont partis en raison de la complexité de la fiscalité française en quête de liberté et d'oxygène ». Ah, donc il ne les a pas appelés les exilés fiscaux. Ah bah non. Ah, c'est marrant parce qu'à l'inverse, quand il parle de « ceux qui sont partis de leur pays en raison de la complexité de leur vie en quête de liberté et d'oxygène », ceux-là, il les appelle les migrants. Voilà. C'est ça. On reste à droite avec Jean-François Copé qui a déclaré « il faut avoir le courage d'engager la lutte contre un phénomène que tout le monde connaît mais dont personne ne parle. Ah, le chômage des jeunes. Non. Ah, précarité des personnes âgées. Non plus. Bah, alors, Non, les musulmans polygames. Ah, évidemment, évidemment, qui retournent tous dans leur pays, allez, tous en polygamie, et je peux te tenir, mais c'est pas un pays, allez. Tous en musulmanie. Non plus. Oui, mais qui rentrent où ils veulent, mais Jeff, il a raison de s'en occuper, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors, politique toujours, oui. Avec Michel Rivasi. Ah, c'est qui? Bah Michel Rivasi, c'est la candidate à la primaire des Verts. Bah, bien sûr, mais comment elle va? Bah, elle nous a envoyé un mail ce matin, oui. Son service de com, pour nous tenir au courant de ses activités. Ah, la chance, dites tout ce qu'il y a à Michel Rivasi. Je vous lis le vrai mail que nous a envoyé le service de com ce matin. Hein. Oui. Alors, bonjour, j'ai donné hier une conférence de presse pour présenter ma candidature et mes soutiens. Oui. Était présent à mes côtés... Emmanuel Poilane, voilà. Jacques Bouteau, voilà. Jérôme Glaise, Maëlys Fatchi. Mais on se croirait dans une émission de Pascal Sevran. Non, parce qu'il manque Fabien Hervy, Stéphane Chaumont et Jacqueline François. Oui, merci, économie. Voilà, Google s'est allié à Sanofi pour lancer une entreprise de lutte contre le diabète. Ah, ça fera beaucoup de bien à Google qui s'est beaucoup sucré ces derniers temps. Éducation, oui, pour protester contre le manque de moyens alloués au recrutement d'un nouveau professeur. Des parents d'élèves ont mis une classe de primaire en vente sur Le Bon Coin. Et ça, c'est une bonne idée. On a déjà une première offre du diocèse de Lyon qui pourrait racheter ta classe de primaire. Entreprise, selon une étude, un beau visage rapporterait 8% de salaire en plus. Ah, c'est ça, je suis payé 8% de plus que Guillaume Meurice. Passons à l'interview dont on est certain que vous ne l'entendrez pas ailleurs, et on est cette fois avec le Dalaï Lama. Ah, aujourd'hui il est là, bonjour monsieur Dalaï. Bonjour, j'aime les Chinois, les Chinois sont mes frères, les Chinois sont doux comme de la soie, des foulards Hermès qu'ils fabriquent. Les Chinois. Oui, en fait pas trop, c'est bon. Donc 3000 moines bouddhistes tibétains sont réunis à Paris cette après-midi. Oui, c'est comme la Fashion Week, mais on présente qu'un seul modèle. et vous allez parler d'écologie. Oui, en effet, au Tibet, les seules émissions de CO2, c'est quand un moine finit par s'immoler. Évidemment. Et hier, vous avez rencontré Emmanuel Macron, le seul politique à vous avoir salué. Oui, Oui, non, mais voilà, il a réussi à m'énerver, ce con. Vous Vous énervez. Oui, moi, hein, gentiment, je m'intéresse à lui, je lui demande s'il est de droite ou de gauche, et là, il a essayé de m'expliquer. Putain, ça m'a tellement énervé, je l'ai giflé. Merci. Ouais. Non, mais je vais me calmer, je vais demander à Sarkozy s'il est de droite ou d'extrême droite. Oui, bah, pas sûr que ça vous détende tant que ça. Allez, passons au bref pour terminer. France, une employée en CDI a vu sa période d'essai rompue au motif qu'elle prenait trop de pauses cigarettes. Et oui, et donc sur les paquets de cigarettes, au lieu d'images de poumons encrassés ou de dents jaunes, il faudra mettre une photo de Pôle emploi. Et la dernière, oui, c'est pour alors, vous attention, accrochez-vous, États-Unis, il tire sur son cousin pour tester son gilet pare-balles et le tue. Voilà, donc il fonctionnait pas, hein, le gilet pare-balles. Ça, on a l'info, c'est important. Alors, l'info, c'est important. En même temps, il a visé la tête. Pour y faire des brèves. L'info, c'est aussi sur lesjours.fr. Oui, c'est plutôt même sur lesjours.fr. Et les obsessions, comme vous dites. Avec Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, jusqu'à 18h, on va aborder le premier sujet avec vous. Prochainement, sur tous nos écrans, sortira peut-être Florange 2. Car François Hollande a pourtant promis d'éviter la fermeture du site Alstom de Belfort pour éviter ce remake. Alors, comment le gouvernement n'a pas vu arriver la fin du carnet de commandes à Belfort? C'est pas faute pour Macron d'avoir visité le site. Hein, les photos où il porte le bleu de travail et la casquette siglée Alstom en témoignent aujourd'hui dans la presse. Et les archives aussi. Tu m'entends? Oui, je visite une usine, là. Non, c'est pas le bruit qui est le plus insupportable, c'est l'odeur. Oh, ça sent l'ouvrier, c'est horrible. Excusez-moi, le casque, ça vous sert à quoi? C'est pour se protéger. Mais pourquoi vous voulez vous protéger? Vu la vie que vous avez, c'est ce qui pourrait vous arriver de mieux de vous prendre une poutrelle sur la tête. Bientôt la retraite. Moi? Non, j'ai 31 ans. Ah oui. Ah, ça esquinte quand même l'usine. Hein? Bientôt le chômage alors. Ah mais non, c'était Pierre Gattaz. Pierre Gattaz en mode connasse, c'est une parodie, dans Les Guignols, quand Canal était toujours... Canal, bien voilà, évidemment. Bien sûr. Alors, il y a deux semaines, on s'extasiait sur le fait que les États-Unis se mettaient enfin au TGV, ce fleuron de l'industrie française. Et pendant ce temps, là où il est né et fabriqué, à Belfort, Alstom va mettre fin à l'activité. 480 postes sont menacés. L'État est actionnaire à hauteur de 20%. Et François Hollande promet de sauver les emplois. Alors ici, il s'agit d'encore un thème d'impuissance publique. Ça déclenche quoi chez vous en tant que journaliste ou citoyen, ce genre de cas de licenciement, quand il s'agit en plus de quand l'État est actionnaire? Un peu d'impuissance journalistique, évidemment, mais oui, il fait 20%, mais c'est pas assez, tout bêtement. Qu'on nationalise tout ça. Ah oui, vous êtes pour. Oui, vous êtes plus loin que Montebourg, alors c'est. Non, oui, un c'est... Petit peu, ouais. C'est pas très difficile. Plus sincère, peut-être. Évidemment. C'est-à-dire. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le débat intérieur sur un peu le patriotisme économique. C'est quelque chose qui vous parle un peu. Non, moi je m'en fiche, mais. Est-ce qu'on a un disque? On l'a franchi. Non, mais on a l'impression d'avoir un remake. Ça y est, on est dans la présidentielle. Là. Oui, c'est, oui, oui. C'est clair. Ce qui est assez drôle, c'est la manière dont tout le monde essaie de mettre ça sur le dos de Macron. Mm-hmm. L'ami du Dalai Lama, ici présent. Ouais. Voilà, donc c'est la faute de Macron. Ce qui est pas faux, hein, c'est une bonne idée de mettre tout sur le dos de Macron, ou alors de Bolloré. Michel Rocard. Oui. C'est une bonne technique en ce moment. Alors cela dit, vous qui avez travaillé pour les pages médias 15 ans dans Libération, la presse ressort justement ces photos d'Emmanuel Macron lors d'une visite chez Alstom en bleu de travail siglé, ce qui est de la com tout à fait classique. On voit tout le temps nos hommes politiques visiter des usines, etc., en mettant le bleu de travail de l'usine. Aujourd'hui, la photo ressort avec ces menaces sur l'emploi, avec l'État actionnaire. Est-ce que ça, justement, c'est pas se prendre le revers de cette communication politique à la papa? Oui, bien sûr, oui. Enfin, la com, on se la prend toujours, on finit toujours par se la reprendre en pleine figure comme un boomerang. Mais toujours, vous pensez? Oui, parce que là, on voit de Macron, là, j'ai donc cette image en bleu de travail. On a aussi une image au salon de la coiffure où il se fait raser. Oui, ce matin, oui. On a ressorti aussi Montebourg en train de sauver Alstom il y a quelques années. On en parlait aujourd'hui, on se demandait si c'était pas un complot de François Hollande pour dégommer à la fois Macron et Montebourg. Et alors, le gouvernement s'est quand même moins mobilisé ou semble être moins offusqué contre les licenciements chez SFR. Alors, selon le journal L'Opinion, par exemple, ce matin, un journal très libéral, faut-il le rappeler, c'est parce que SFR détient les médias, enfin Drahi, et alors il y a Libé, L'Express, BFM, RMC. Est-ce que ça se tient comme raisonnement, ça, que le gouvernement soit un peu plus timoré ou qu'on s'indigne moins des milliers de licenciements chez SFR? Bon, on devrait s'en indigner tout autant, mais je crois savoir que les conditions de départ sont... Différentes et plutôt bonnes, oui. Mm-hmm. Et enfin, une dernière question. Sur lesjours.fr, vous qui traitez l'actualité différemment, en n'étant pas sur l'écume, comment vous allez traiter la campagne alors? Comment vous allez vous impliquer dedans? Alors nous, personnellement, on va s'y impliquer très très vite parce qu'on va s'occuper de nos amis de la primaire de droite. Mm-hmm. Personnellement, on a décidé de s'occuper de leur cas. Vous allez vous focaliser sur eux? On va se focaliser sur eux, on va devenir obsédé d'eux et voilà. Puis après, il y a plusieurs autres obsessions qui vont naître, dont une dont on peut parler, oui, je crois, on va s'intéresser aux électeurs et aux déselecteurs. Et on va pour ça aller interroger tous les personnages des autres obsessions qui sont, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire c'est des profs dans un collège, c'est-à-dire un chanteur dans une obsession sur le chant, ça va être des enseignants turcs, des gens à Lunel, toutes les options qu'on a déjà pu écumer. Une obsession sur le chant. Alors là, c'est un appel, André Manoukian. C'est un appel, il s'appelle André Mainviel et il chante comme des tablas. Comme c'est des quoi? Des tablas, c'est ce tambour sacré et indien qui a le son d'onomatopée humaine et qu'on apprend par la parole. Par exemple, on apprend tagdegidagdom et quand on en joue, ça sonne vraiment comme ça. Tagdegidagdom. D'ailleurs, là, c'était pas moi, c'était un tabla. Maintenant, c'est moi, tagdegidagdom. Et là, le tabla répond tagdegidam. Et comme ça, on peut enchaîner de véritables conversations. Le problème, c'est qu'il faut avoir fait 10 ans d'apprentissage avec un maître et il y a plus de 1000 ragas à se farcir, Charline. Alors avant qu'on puisse parler en tabla, on va essayer de se parler en français encore un petit peu. André Mainviel chante aussi comme ma grand-mère. En fait, il fait des incantations de mémé. Mais alors, une mémé universelle, un peu comme ce cocktail magique qu'il faisait autrefois à la Candeleria. Le jardin de mémé, ça s'appelait avec de l'absinthe et du basilic, je vous dis pas. De l'absinthe, de l'hydromel, des boissons d'hommes, que des breuvages chamaniques. André Mainviel chante comme un berimbau. C'est l'arc sacré brésilien qui rythme la capoeira. Cet art martial déguisé par les esclaves qui était interdit d'entraînement, alors ils cachaient leur figure de kung-fu égyptien sous la forme d'une danse. Je suis en train de vous faire, mais non, ça n'a pas l'air de... Bon, bref. André Mainviel... On se rend moins compte. André Mainviel chante comme un nougaro. Un nougaro, c'est un troubadour occitan tombé dans le swing dialectique. Aujourd'hui, des comportementalistes de l'école de Palo Alto en Californie pensent que le langage précède la pensée. Ça veut dire que quand tu as un accent méridional, tu donnes le temps aux mots. Les mots, tu les fais rouler dans ta bouche et ils deviennent savoureux. Alors, ça te développe le goût des mots et tu sais de mieux en mieux les choisir et les assembler. Et du coup, eh ben, tu penses mieux. Tu prends le temps de penser. Ta pensée est influencée par ton accent. Et plus ton accent est chantant, et plus ta pensée, elle chante. André Mainviel possède une pensée qui chante autant qu'elle danse. Je rappelle que les Égyptiens, dans l'Antiquité, désignaient le chant et la danse par un seul et même mot. André Mainviel est donc un Égyptien, puisque le mot égyptien va donner gypsy, gitan, et que tous les musiciens sont des nomades, des migrants intermittents du spectacle. André Mainviel est africain. On l'appelle le griot des Pyrénées. Le griot, cette figure de maître de cérémonie chantant qui annonce les puissants dans une soirée et qui en même temps qu'il fait leur louange se moque d'eux avec tant de verbes que les puissants rigolent, un peu comme nos deux camarades qui sont là. Mais je ne sais pas si les puissants rigolent quand ils passent dans leurs mains. André Mainviel est gascon, il a le verbe de Cyrano, mais comme il est beau comme Christian, il n'a pas besoin de se cacher pour nous le faire pétarader son verbe. Alors il tient le micro avec panache. André Mainviel invente des mots, il fait des néologismes tous les matins en se rasant, comme Emmanuel. André Mainviel est un magicien qui pratique la magie blanche, exocentrique et centripète, qui consiste à partir de soi pour lancer une vaste spirale pour distribuer votre énergie aux autres, contrairement à la magie noire, égocentrique et centrifuge, qui prend l'énergie des autres pour se l'accaparer. André Bainviel est un alchimiste qui transforme les mots en petites jouissances dorées qui vous chatouillent l'oreille, la tête et le cœur. André Bainviel est un vocalchimiste. Chanteur, batteur, scatter, rappeur, rime ailleurs, rappeur du Béarn. Les Occitans ne se sont pas d'abord définis par leur langue, mais par leur civilisation qui a donné à l'Europe les troubadours. L'idée que les hommes sont égaux en droit, une tolérance raciale et religieuse. Je vous rappelle que le mot troubadour vient de la découverte par les Occitans de l'oud, cet instrument arabe qu'ils ont mis dans une extase telle, et l'arabe, en arabe, pour dire extase musicale, on dit tarab, tarab dour, c'est le gars qui sait mettre les autres en extase. Enfin, André Bainviel est un adepte de Gilles Deleuze. C'est ce qui nous réunit, le docteur Gary Bertz et moi. Et je vous raconterai l'histoire après de Gilles Deleuze et de Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts. De belles vertus, il travaille, c'est l'hiver en terre, en petit ver solitaire. Oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Un, dos, tres, un, dos, tres. Oh non, non, non, non. Faire de belles vertus, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit ver solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Faire de belles vertus, fait l'humus des traces de vie, des petits vers solitaires, vers de belles vertus, histoire de nous fertiliser la terre. Un verre moulu, deux verres missaux, trois verres tigots, dix verres de vin, deux verres de lui, trois verres d'elle, un verre luisant de nuit, un verre ivéry sentinelle. Des verres migrants, des verres micelles, des verres classiques, des lombriques, les pigés, l'endogés, l'anésique, des verres à pied libre de circuler comme l'air. Verre en veux-tu, verre en voilà, verre et tout vide, verre et tout va, levez vos verres, vos verres en vie, virez l'envers, livrez en bas, verre en veux-tu, verre en voilà, verre et tout vide, verre et tout va, levez vos verres, vos verres en vie, virez l'envers, livrez en bas. Faire de belles vertus, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit ver solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Vers de belles vertus, fait l'humus des traces de vie, des petits vers solidaires. Vers de belles vertus, histoire de nous fertiliser la terre. Un verre moulu, deux verres missaux, trois verres tigots, dix verres de vin, deux verres de lui, trois verres d'elle, un verre luisant de nuit, un verre ivéry sentinelle. Des verres migrants, des verres micelles, des verres classiques, des lombriques, les pigés, l'endogés, l'anésique, des verres à pied libre de circuler comme l'air. Verbier André Bainviel, comment vous l'avez découvert, bah, André? Voilà, dans le monde du jazz, il est super connu. Il a joué avec Luba, avec tout le monde. Et puis, je trouve qu'il est grand temps de lui rendre un petit peu un hommage à la radio, parce qu'en plus de ça, il est toujours vivant. Il fait des concerts qui sont fantastiques. Allez sur son site internet pour voir tous les concerts. Et puis, encore une fois, c'est un magicien. Et quand il scatte, Charline, mais là, c'est un régal. Il scatte de ouf, quoi. Il invente des mots et tout ça. Vous voulez que je vous invente un scat, ouais, à partir de Gilles Deleuze? Déterritorialisation, déterritorialisation, déterritorialisation. Oh, bon, c'est facile. Merci André Manoukian. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie des Gary Bertz, Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, qui publient L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, publié au Seuil avec Les Jours, lesjours.fr, le site d'information que vous avez fondé. De l'information, il en est question aussi, de manière presque aussi objective. C'est Guillaume Meurice. Oui, bah écoutez, vous savez, Charline, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, mais quand on fait une chronique quotidienne, c'est pas tous les jours facile de trouver l'inspiration. C'est pas tous les jours qu'il y a des meetings de Jean-François Copé ou des concours de la plus grosse tanche, par exemple. Des fois, ça tombe le même jour en plus. Coïncidence? On ne croit pas. Mais bref, des fois, on sait pas trop, on cherche un petit peu. Mais il faut toujours compter, je dirais, sur le petit coup de pouce de la vie et surtout sur l'imagination. Providence. Oui, la providence, on peut appeler ça comme ça, André. Et surtout l'imagination, hein, j'insiste là-dessus, débordante de nos concitoyens qui organisaient par exemple un défilé, mais pas n'importe quel citoyen et pas n'importe quel défilé. Explication avec un des responsables de l'événement. Alors ça va être un défilé de meules bleues qui est organisé par les patrons vendéens, ouais. Et en fin de compte c'est un défilé pour combattre la morosité. C'est le but du truc de changer les idées. Alors ils font quoi pour combattre la morosité, ces patrons? Donc là, ils font un grand tour en mobylette. Ils sont partis du parc de Longchamp et ils font le tour Champs-Élysées, Tour Eiffel, pour s'amuser, pour distraire les gens. Et il y a une tenue spéciale aussi, je crois qu'ils oui. sont... Oui, ils ont le casque rose et la cape bleue. Voilà, cape bleue. Ah, voilà, voilà, voilà. Cape bleue, casque rose, 700 patrons en mobilette. Même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas imaginer ça, ni dans mes cauchemars les plus fous d'ailleurs. Alors, la question que tout le monde se pose, mais pourquoi ils font ça? Ça n'a pas de but politique, ça n'a pas de but syndical, ça a juste le but de vaincre la morosité. Ou En polluant. Voilà, c'est tout. Uniquement pour ça. Uniquement pour polluer. Ouais, non. Non, ben si, si, un petit peu quand même. Parce que 700 mobilettes bleues réunies au même endroit, hein, je vous raconte pas l'odeur, ça puait tellement, on se serait cru dans la tête de Pierre Gattaz. En tout cas, on a la confirmation, hein, le ridicule ne tue pas. Sinon, on n'était pas loin d'un génocide de patrons, et de patronnes d'ailleurs. Hein. Tiens, question à l'une d'elles. Bon, est-ce que vous respectez autant le code du travail que le code de la route? Ah, mais là, j'ai bien respecté le code de la route. Vous voulez dire. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Je respecte autant le code de la route que le code du travail, enfin les deux. Hein. C'est vrai? Mais c'est vrai, pourquoi vous mettez en doute? Ah bah je sais pas, peut-être parce que selon la Cour des comptes, la fraude aux cotisations sociales des patrons français dépasse les 15 milliards d'euros tous les ans, je sais pas. Bah, je suis là pour poser des questions, mais je veux pas péter l'ambiance hein, de ce rassemblement festif, donc de 700 mobilettes bleues, qu'ils appellent, vous avez entendu, des meules, hein, des meules bleues. Enfin, plus exactement, 699 meules bleues, parce que j'en ai repéré une verte. Elles ne sont pas toutes bleues, la mienne. Ouais. Elle est pas du tout bleue, là-bas. La mienne est tombée en panne, j'en ai récupéré une. Le mulet, c'est le mulet. Enfin, c'est enfin. Ah, vous voyez, vous ne respectez pas déjà. Mais dans la masse, ça ne se voit pas. Vous êtes un patron qui respecte pas les règles. C'est bien de sortir du cadre aussi de temps en temps. Au contraire, je crois que les patrons ne sont pas faits pour respecter tout le temps les règles. Bon, ça, mon petit gars, on avait un petit peu remarqué, si tu veux. Sinon, les prud'hommes ne seraient pas aussi pleins qu'Hippolyte Girardot 15 minutes après le début de l'apéro. Mais je ne veux pas ternir ce défilé anti-morosité, hein, parce que c'est la teuf des patrons, n'oublions pas, mais pas des salariés. D'ailleurs, est-ce que les salariés sont heureux de voir leur patron comme ça? Oui, oui, oui. Ils sont heureux de me voir comme ça. Parce qu'en fait, ils sont en symbiose avec le patron. C'est pas vrai. Si, ça existe. C'est-à-dire, vous les payez super bien? Oui. En moyenne? Ah, ça dépend, entre 1300 et 1800. Et... 1300, c'est super bien payé, ça? Ah, mais parce que, après, c'est pas non plus des tâches qualifiées, mais on n'est pas là pour parler salaire. Oui, non, pardon, excusez-moi, je pète l'ambiance. On n'est pas là pour parler d'argent. On n'est pas là pour préciser que chaque entreprise a déboursé la coquette somme de 1750 euros hors taxes pour participer à l'événement. Ah oui, hein, ah oui, non, on n'est pas là pour en parler, parce que ça, c'est un coup à rendre un smicard complètement morose. Mais pas les patrons, hein. Les patrons qui ont donc dépensé 1750 boules pour cramer du pétrole déguisé en Superman Discount. Écoutons-les s'amuser. La morosité, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, on est là, on est debout. Bah alors, ça veut dire que vous allez embaucher ou pas, ça? Bah évidemment, mais il faut pas être pessimiste. Soyons optimistes. Non à la morosité. En plus, vous avez eu du pognon avec le CICE, donc vous n'êtes pas du tout non morose. Non à la morosité. Vous n'êtes pas morose, du coup, parce que vous avez du pognon. Non, non, c'est pas une histoire de pognon, non à la morosité. Vive la bonne humeur. Voilà, qu'est-ce que je peux être chiant avec mes questions? Moi, j'ai encore mes vieux réflexes de gars morose. Alors qu'on parle bonne humeur et joie de vivre, hein, c'est ça l'esprit. D'ailleurs, allons voir un des précurseurs vendéens de l'événement pour lui poser une dernière question. Et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, si on prenait des mobilettes bleues, des capes bleues et des casques roses? Alors, nous nous sommes rassemblés à 20. 20 dirigeants associés dans cette aventure bénévole pour vivre des moments extraordinaires entre dirigeants d'entreprise. Combien de litres d'alcool pour avoir cette idée? Rien ne se décide en Vendée sans prendre un petit verre. Et oui, oui, oui. Et en Vendée, quand on parle de petits verres, on ne parle pas de litres, hein, mais d'hectolitres, bien évidemment. Ces hectolitres qui, en fin de soirée, nous donnent parfois des idées de génie. Exemple d'idées de génie. Tiens, si on reprenait une chanson des Poppies pour en faire un hymne. Hein, vous n'en aviez pas rêvé de ça non plus? Eh bien, ils l'ont fait quand même. Je vous laisse enchanter avec nos patrons enchanteurs. On voulait inventer ce qu'il y a de mieux, on voulait tous partir sur une meule bleue, ah sur ouais. Une meule bleue, sur okay. Une meule bleue. Vous avez bien chanté. Non, Je André Manoukian vient de décéder. Au créateur. Les gens essayent, ils se lancent et c'est bon. Merci Guillaume Meurice. À votre service. Allez, on est ensemble sur France Inter avec les Gary Bertz, les fondateurs des jours.fr. Et Facebook avait censuré l'un des plus célèbres clichés du photojournalisme, la petite fille au napalm. Le réseau est revenu sur sa décision. Le Figaro en fait un papier aujourd'hui. Eh bien, il n'en a pas été de même pour cette photo de Guillaume Meurice. Oh non. Au stand naturiste de la fête de l'humain. Je pense que vous aviez interrogé un naturiste dont on voyait l'appendice. On voyait légèrement. Voilà, légèrement. À cause d'un pénis apparent. Voilà. On est prude chez Facebook, c'est tout. Hein. S'il te plaît, Oli, est-ce que tu pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un slip? Merci. Ça s'arrête, les détails. Oh. Petite nature. On a peur de la bête? Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout. Et oui, mais je suis chez moi. Et chez moi. Je me balade à poil, si je veux. Josiane Balasco, Alain Chabat dans Gazon Maudit. Alors, je vous remontre la photo. Ouais. Sans doute, vous la connaissez, hein, chez vous, la petite Fiona Palme. Alors, cette pudibonderie légendaire de Facebook qui a fait que, qu'ils ont fini par retirer la photo du site, ça vous fait marrer ou bien c'est une règle élémentaire? Sinon, c'est le bordel au sens propre sur Internet. Non, enfin c'est pas la première fois que ça arrive sur Facebook. Je crois que c'est arrivé avec l'Origine du Monde. Ce qui était marrant, c'est donc c'est arrivé en Norvège, dans un journal norvégien. Exactement. Du coup, a publié l'image en mettant à la place du sexe de la jeune fille le logo de Facebook. Et c'est là que ça devenait vraiment totalement pornographique. Et après, la première fois qu'on s'apercevait vraiment qu'on voyait finalement le sexe de cette jeune fille, quoi. C'est vrai. Alors, j'ai vérifié, la parution de la photographie originale avait été retardée jusqu'en juin 72 au motif qu'elle mettait en scène la nudité frontale d'enfants, nudité absolument tabou pour la presse américaine à l'époque. Donc finalement, entre la presse américaine de l'époque du Vietnam et Facebook aujourd'hui, on n'a pas tellement évolué, non, Isabelle Rebette? Mais c'est intéressant justement parce que Facebook est aussi un éditeur de presse. Et en tant qu'éditeur de presse, a des responsabilités et des devoirs. Or là, on voit qu'on est dans une situation complètement absurde qui effectivement ramène au bon temps de la propagande des années 70. Voilà. Alors la photo, vous le rappeliez, illustrait l'article d'un journal norvégien. Et donc le rédacteur en chef a poussé une gueulante contre Facebook en disant « Vous m'empêchez d'exercer ma responsabilité éditoriale ». Mais finalement, ça arrange aussi bien les journaux et les journalistes que Facebook relaye leurs articles. Alors, est-ce qu'ils doivent se soumettre à ça ou pas, accepter la règle, étant donné que Facebook permet de diffuser largement et aussi les chroniques de Guillaume Meurice, par exemple, sur Facebook. Et les photos avec des naturistes. Et bien sûr, ouais, évidemment. Ah, peut-être que les journaux devraient éviter de se livrer corps et âme à Facebook ou à Google. Enfin, j'en fasse vraiment après, ils n'ont plus le choix. Si on a aimé un article chez vous, on a envie de le partager, c'est aussi... Ah, nous, on est payants. Nous, donc, on est payants, oui, nous, on n'accepte pas. Ça arrive très souvent, c'est-à-dire qu'on voit le titre et tout, et alors on se dit, tiens, en fait, ce journal m'intéresse et je peux m'abonner. Et puis, baf, si on a peut-être envie de s'abonner. Bah, en plus, c'est 1 euro le premier mois. Et en plus, il n'y a pas de photo d'enfant. Et en plus, il y a une promo exprès pour les auditeurs de Si tu écoutes, j'annule. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, si. Alors, par exemple. Alors, j'ai oublié le code. Mais il est partout sur Twitter. Allez, regardez sur Twitter. On ira voir. Je vais retweeter. Il n'y a pas de photo d'enfant nu sur les jours. Ni Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Oui, c'est interdit. On a interdit Nicolas Sarkozy d'être dans notre site. Ah, d'accord. Ah, oui. Donc, c'est d'accord. C'est pareil. Donc, on mettra sur Facebook, évidemment, et sur Twitter, le code pour que les auditeurs d'Annule Tout puissent s'abonner au jour.fr avec une promo. Ouais. Non, Charline, je voulais juste dire, par rapport à la photo qui était retardée en publication la première fois, oui, je pense que la nudité frontale était un prétexte par rapport à la situation politique de l'époque et des victimes vietnamiennes brûlées au napalm. Et la jeune fille brûlée. Ouais, je pense que c'était plutôt à ce niveau-là que ça se passait. Ouais. D'ailleurs, au moment de la publication, j'ai aussi insisté sur le fait de ne pas faire de gros plans sur la jeune fille nue, une fois. Voilà, la précision d'Hippolyte Girardot. Oui, c'est important. Mais vous avez raison, ça change tout. Non, mais c'est vrai. De rappeler que ce monde est très capitaliste. Et contre ça, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être les mots, les verbes, les phrases d'Hippolyte Girardot. Ouais, peut-être, mais en même temps, vous voyez, c'est le problème, c'est croire à tout ça, quoi. C'est dans la croyance. Bah non, mais... Par exemple, Guillaume Meurice, quoi. Les phénomènes interviewés par Guillaume Meurice ne sont pas possibles. Et d'ailleurs, si ça se trouve, c'est peut-être des figurants triés sur le volet qui récitent avec conviction un texte écrit par Guillaume lui-même qui met en scène tout ça. Eh bien, on y croirait pareil. On y croirait pareil parce que, bon, c'est vrai, c'est bien foutu, c'est crédible. Et ça me fait penser à la réflexion, enfin réflexion, si on peut qualifier ça de réflexion, à voir d'une actrice dans un hebdomadaire récemment qui... m'a, comment dire, descendu le fondement. Voilà. Quand on lui demandait si elle avait elle-même séjourné en prison pour incarner une prisonnière, elle a répondu oh, « je n'en ai pas eu le courage, mais je connais des amis qui ont été incarcérés ». Bon, ça fait rigoler, bien sûr, ça fait se moquer, on se dit son cerveau a fait boum. Mais en fait, ce que ça raconte, une fois le fondement remis à sa place, c'est que c'est moins la vérité qui compte que la crédibilité. Parce que l'actrice, c'est vrai, elle ne va pas être prisonnière, jamais. Elle va rentrer le soir chez elle, elle va avoir des petits plats, etc. Elle va jouer le rôle d'une prisonnière. Et on est censé y croire, on est censé la croire grâce à son talent. Comme moi, je suis censé croire ma copine quand elle me dit qu'elle va à un séminaire sur les tapas espagnoles, alors qu'en fait, elle fait une randonnée provençale avec son amant. Ben, si c'est bien présenté, c'est crédible. Et d'ailleurs, c'était bien présenté. Mais ça ne marche pas toujours. Non, pas toujours. Par exemple, on en a plein, mais bon. Les fonds de Cahuzac, la destinée à Rocard, c'est un peu trop capillotracté quand même, hein, surtout dans le cas de Cahuzac, évidemment. L'ignorance de la pompe afrique Big Malion par Sarkozy, sa façon de dire « je ne sais pas quoi vous répondre », ça sent un peu « je joue la montre car je connais pas la prochaine réplique quand même ». Juppé en train de s'entraîner à faire un concours de beer pong avec Poulvord, bon là c'est carrément surjoué comme un acteur qui cabotinerait pour masquer son peu de sincérité, et je sais de quoi je parle, j'ai déjà fait appel à ce stratagème dans ma carrière. Comme d'ailleurs c'est pour cette raison, mais je suis à la radio, c'est différent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est toujours maladroit de mélanger les deux mondes. Le spectacle, la politique. Je ne parle pas de la vie privée du PR et de sa compagne, dont Paris Match dit qu'elle va maintenant jouer le rôle de sa vie. C'est une phrase très maladroite, faut quand même le dire. Non, je voulais parler de l'affiche de l'action contre le sexisme. Action que moi, je soutiens à fond. Moi, je suis évidemment go, Rossignol, go. Alors donc, cette affiche avec Cluzet, Cornillac, Gaillet, etc. Moi, personnellement, je ne doute pas de la sincérité de mes collègues. Mais comment rendre cet engagement honnête, crédible, vu les différences de traitement de salaire entre les sexes dans le cinéma? Comment le rendre crédible? Je pensais à ça l'autre soir en regardant la retransmission des Jeux Paralympiques à Rio, le 50 mètres papillon. Les types, déjà, sur la ligne de départ, quand tu les regardes, avec leurs bras atrophiés, leurs moignons, leurs jambes réduites de moitié, tu te dis, c'est pas possible, on les jette, ils vont se noyer. Arrêtez, arrêtez ça. Et pourtant, ils se jettent dans l'eau, et c'est génial, mais c'est vraiment génial. C'est émouvant, c'est galvanisant, ils se mettent à nager avec une vitesse insensée, comme des dauphins. C'est tout à fait, c'est à pleurer, franchement c'est à pleurer, de beauté, mais pas seulement de beauté, de force. En 35 secondes, sans aucune propagande, j'étais devenu un passionné de la lutte contre les handicaps. Alors là, on n'a pas besoin de vouloir être crédible. Ils se sont donnés à fond, et en faisant ça, ils avaient tordu mon sentiment compassionnel du début en un mouvement d'admiration et d'adhésion. Alors pour en revenir à notre monde non handicapé, en tout cas pas à ce niveau-là, et à cette campagne contre le sexisme, il aurait fallu, je pense, prendre exemple sur ces sportifs. Se mettre dans la peau des oppressés, jouer le rôle de celle qu'on n'est pas. Dire « M'aimeriez-vous autant si je m'appelais Françoise Cluzet ?» ou « Hildegarde Cornillac ?» Voteriez-vous pour moi Françoise Hollande en concubinage avec Jules Gaillet, n'est-ce pas? Et vous? Aimeriez-vous ce baragouin s'il était signé Paulette Girard? Merci Paulette. Mais de rien, Charlie. Et comme la radio est filmée aujourd'hui, vous pouvez aller voir la chute de la chronique d'Hippolyte Girardot sur la vidéo, parce qu'il y a du visuel. Il y a de la perruque. À base de cheveux. Merci Hippolyte. Allez, on a encore 10 minutes à passer ensemble avec Raphaël Garrigos et Isabelle Robert, et on va aborder le dernier sujet, le Dalaï Lama est en France. Il s'en fiche que les hautes autorités françaises ne le calculent pas. Lui, il est venu parler du bonheur. Et pour cultiver le bonheur, il se lève chaque jour à 3h du matin. Mais il fait quoi le Dalaï Lama quand il se lève à Paris à 3h du matin? Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je voilà, c'est l'autre là-bas. C'est le mauvais. C'est le mauvais. Enfin, c'est le mauvais. C'est celui, musicalement, c'est le bon. Celui qui a peut-être rendez-vous avec Hollande de temps en temps, parce qu'en tout cas, l'autre. Ça y est, j'ai compris, ça s'appelle Lama. Voilà, ouais, j'ai compris. Il y a comme un. Attends, je pas. Vous l'aviez pas, vous l'avez. Vous l'avez chez vous, hein, devant bon. Le poste, voilà, tout le monde là. Alors, ça faisait 5 ans que le Dalaï Lama n'était pas venu en visite en France. Bon, alors après, si on veut vendre des TGV aussi, on parlait d'Alstom en début d'émission, faut pas forcément qu'il rencontre François Hollande. Si on veut vendre des TGV en Chine, ça la fout mal. Ouais. Est-ce que ça vous semble embêtant, ça, que les hautes autorités du pays ne rencontrent pas le Dalaï Lama, où on sent un peu de le coquillard? J'aime beaucoup cette expression. Vous hésitez, c'est celle que vous avez envie de prendre. Hein. Ouais, tout de suite, forcément. S'il rencontre pas le Dalaï Lama, qu'il rencontre pas non plus le pape et tous les curés de la planète. Mm-hmm. Alors, est-ce que, je sais pas, peut-être autour de cette table, vous avez un avis sur la question? Le pape est chef d'État, hein, quand même, oui. Attention. Oui, mais il a son petit État. Le Tibet, c'est une théocratie. Il aimerait bien l'avoir, oui. Le Tibet est une théocratie. Ce serait utile qu'ils se rencontrent, ne fût-ce que pour le message sur la photo, c'est-à-dire... qu'il aura au moins rencontré toutes les autorités spirituelles, qui s'intéresse au bonheur, tout simplement. Manuel Valls a l'air tendu, donc à mon avis, c'est le premier à devoir y aller. Ça va le poser. Ce ne serait pas utile, il n'y a rien de... Vous y croyez pas vous-même en fait. Vous essayez un truc, j'essaye de. Vous y croyez pas. Mais comme vous avez un look de bronze, elle se dit, avec un peu de bol, il va se jeter dans la question. Non, parce que c'est un sujet qui est abondamment relayé dans toute la presse, on en parle énormément. Beaucoup de gens s'offusquent que François Hollande ne rencontre pas le Dalai Lama à cause des pressions chinoises, parce que Pékin scrute de très près qui rencontre le Dalai Lama. Seul Barack Obama a accepté de le rencontrer, donc il y a une frilosité à ce niveau-là. Il y a quand même la situation au Tibet. Donc, on est en droit de se poser de la question quand même, si on en parle autant dans la presse se fourvoie finalement, sur lesjours.fr ça ne fera pas un sujet. Par exemple, c'est considéré comme de l'écume. Ah ouais, complètement. Sauf que pendant un temps, on avait l'idée d'une obsession lama où on aurait mis le Dalaï, les lamas, Serge, enfin bon, c'était une option. Je vois, d'accord. Donc c'est pas bon, ça vous plairait pas de faire un selfie avec le Dalaï Lama ? Moi j'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai pas pu rentrer. C'est-à-dire, vous êtes allé au Palais des Congrès ? Tout à fait, ouais. Vous avez vu les 3000 moines tibétains ? Bah, ils sont pas moines en fait, c'est la diaspora tibétaine qui est réfugiée en France, donc... Oui, il y avait du monde, c'était assez émouvant en fait. J'y allais pour me foutre de leur gueule et je suis revenu sans faire de sujet. Dommage, bon, il y avait pas mal. Moi sur la liste, il est à peu près ex aequo avec Nabila pour le selfie, si vous voulez. À mon avis, d'accord. En matière de nombre de likes, on en aurait à peu près les mêmes. Non, mais après, c'est de la réelle politique, quoi. François Hollande, il fait de la réelle politique. Le bonheur n'a pas sa place. Mais c'est pas un hasard si le seul qui l'ait vu, c'est Macron, parce que ce que dit le Bouddha à propos du sitar, cet instrument de musique, si tu tends trop ta corde, elle se casse. Si tu ne l'attends pas assez, elle ne joue pas. La vérité est au milieu. Donc, François Bayrou, Macron... Il a peut-être vu Juppé, son concept d'identité heureuse, il a peut-être vu le Dalaï Lama. Alex Vizorek, vous avez une proposition à faire à nos deux invités. Mais oui, Gary Bertz, en fin d'émission, on vous propose un sketch, tout écrit, et vous le découvrez, et vous allez probablement aimer la situation, puisque c'est Vincent Bolloré qui vous a convoqué. Il a quand même quelque chose à vous demander, parce qu'il a trouvé ce livre pas inintéressant. Guillaume Meurice fait Vincent Bolloré. Bon, les Gary Bertz, c'est pas moi qui ai choisi la musique déjà. C'est breton. Voilà, j'ai lu votre ouvrage. Vous voulez les droits, c'est ça ? Non, je m'intéresse pas aux petites sommes. Non. Mais bon, vous connaissez la règle. Quand on s'attaque à l'Empire, l'Empire contre-attaque. Voilà, je vous demande rien, hein, si ce n'est des conseils, parce que pour exploiter des ports au Bénin, je suis le king. Mais pour la grille de canal, j'en touche pas une. Et comment vous faites depuis 2 ans, du coup ? Alors, je consulte un marabout à Cotonou, en fait. Voilà. Il fait tout, santé, retour de l'être aimé, programmation de chaîne. Faudrait déjà remettre le zapping. Hein. Non, j'aime pas, ça change toujours de chaîne, et puis ils prennent n'importe quoi comme extrait d'émission, j'aime pas. Ouais, le truc, c'est qu'il faudrait quand même faire renaître l'esprit canal. Ah, ouais, ça, bien sûr. Mais bon, j'ai tout fait pour faire revenir Coluche, j'étais prêt à le payer 4 fois plus que ce qui touche au resto du cœur, et pff, marche pas. Ah zut, et des proches, je voulais pas venir non plus. Qui ça ? Des proches. Moi je connais pas. Et concrètement au quotidien ? Ah non, dites pas quotidien, hein. C'est un mot que je supporte pas ça. Alors pardon, au jour le jour, enfin au jour les jours, qui est-ce qui dirige les chaînes du groupe ? J'ai 2 petits nerveux là qui ont un toc au niveau de l'épaule. Qui ? Cyril Hanouna et Nicolas Sarkozy. Vous n'allez pas donner une mission à Nicolas Sarkozy ? Si, je compte appeler ça « Faites sortir l'accusé ». Et Cyril Hanouna, alors, sur Canal, matin, midi, soir, nuit ? Bah oui, on l'a déjà fait sur D8, ça a marché. Je veux pas dire, mais ça manque de femmes. Hein. Ah, ça manque de bonnes femmes à Canal ? On a Catherine et Liliane, je vous signale. Hein. Et pour les minorités, on a des Arabes et des handicapés. Ouais, sauf que là, c'est le même, Jamel Debbouze, Arabes et handicapés. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres Arabes ? Non, mais c'est pas vrai pour les handicapés. Je vous rappelle qu'on a les droits de la Ligue 1, quand même, donc voilà. Vous savez, la seule chose qui est bien, c'est Braco. Oui, ça je sais, mais c'est inspiré de ma façon de gérer la chaîne. Voilà pour une autre version de l'Empire Bolloré. Y a encore des choses à voir sur Canal ou pas du tout aujourd'hui ? C'est long, un silence. Un silence en radio. Ben nous, on a vu la parodie de Braco, justement, parce qu'on en parlait dans Groland, qui s'appelait Brico. Et qui était comme la série policière de Canal, qui montrait que c'était la dérive de Canal+. C'était assez drôle. D'accord. Ça a duré 2 minutes. donc Groland, on sauve Groland. Ouais, voilà. Groland, on peut sauver l'effet papillon aussi. Oui. Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, donc l'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+. C'est publié au Seuil avec lesjours.fr, le site qu'on vous recommande chaleureusement. Et donc on mettra sur notre page Facebook le petit code qui Je permettra... Je l'ai retrouvé. Allez-y. Annule tout, LJ16. Voilà, ça, annule tout, LJ16. Et voilà le code promo. Merci à tous. Allez, le mot de la fin aux entrepreneurs qui luttent contre l'amorosité. On voulait inventer ce qu'il y a de mieux. On voulait tous partir sur une meule bleue. Hey non, amorosité, veulent un jour, veulent pour toujours.